gros son qui me branche. L'insoumis vient te dire leur business, je vais le pourrir. On veut pas la renommée, mais que le vrai rap ait sa place. Réel ou Booba, top hip-hop, ça me les casse. J'place mes rimes, ces fils de pute me lassent. Alors on sort de l'ombre, engagé et sans liasse. Dans nos clips à deux bombes, de paillettes et de strass. Dans nos villes à variété, elle n'a pas sa place. Sous nos regards placés, ses sentiments glacés. L'envie de châtiment et de lyrics engagés. J'veux du maçon, du politique et du banquier. Lâcher le cliché qui donne des voix à l'UMP. Le danger, je le trouve peu dans les cités. Les mafieux sont les juges, les médias et l'Elysée. J'ai jaugé les préjugés, saisi les parjurés. Analysé ce merdier, puis couché sur papier. À l'Assemblée, les regards doivent se tourner. Plus de magouilles que dans nos cages, d'escaliers cumulés et leurs cumulés. Mes mots viennent cribler des balles lyricales autant qu'ils nous ont ciblés. La morale, je la fais, comme ceux qui veulent briller. On a compris qui je vise, pas la peine de les citer. C'est vrai, la rime facile rapporte. Le fric ou les couilles, on sait ce qui l'emporte. J'porte le place, le Fox Sky supporte. Fais partie des MC où la parole insupporte. C'est vrai, la rime facile rapporte. Le fric ou les couilles, on sait ce qui l'emporte. J'porte le place, le Fox Sky supporte. Fais partie des MC où la parole insupporte. Ça parle de BM, réputé. Des carrures, hostiles et sans gêne, les buts la parure. Au mic des vrais chauds, des bonhommes, des durs. Pareil que si je les croise, je dois frôler les murs. Ok, on est tous rois sur feuille blanche. Ici c'est pas LA, on est bien en France. Alors ils sont où, les sons contestataires? Ceux qui disent debout, qui jouent par les gangsters. Leur rap une gangrène, de stars avec des chaînes. Le nôtre un problème, pour le parti du FN. Les narines de coq, sérieux ça me gêne. Qu'ils laissent la place, nous c'est du son dans les veines. We'll be right back.